Je pense que il va maintenir le cap. Mais intelligent, c'est pas courage, Réjean. Il y a la chance l'opinion publique va être de plus en plus favorable. Ah. Il s'agit de miser précisément sur le fait que ça ne peut plus continuer comme ça. On peut pas avoir ceux qui sont en total. On peut pas avoir 700 000 personnes qui sont en totale sécurité dans le secteur public. Comme par hasard, les syndicalus ne s'indiquent ou à peu près que le secteur public, hein, parce que dans le privé, il y en a toujours moins. Alors, on peut Ils sont rendus à syndiquer les dépanneurs. Pardon? Ils sont rendus à syndiquer des dépanneurs. Oui, c'est ça. Ils font semblant de vouloir syndiquer des dépanneurs, mais ils n'y croient pas. Et c'est simplement ça, c'est de la mise en scène. Exact. Mais là, tu vas voir. Moi, ce que je crains, oui, je suis d'accord avec toi, il est intelligent, il n'y a personne qui remet ça en doute, mais après ma barre, Jean, intelligent, ce n'est pas courage. Là. Moi, je connais bien du monde intelligent qui ne sont pas courageux et sincères. Je pense pas qu'il veuille rester là indéfiniment. Il y a une occasion unique. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas, parce que même s'il maintient la ligne forte, il faut pas oublier que les syndicalistes sont mauditement organisés. Voilà. C'est toujours 700-800 000 personnes, un seul bloc monolithique organisé. Et face à eux, ce sont des individus qui fonctionnent, qui de temps en temps se regroupent un peu. Peut-être qu'il faudra apprendre à s'organiser, ceux qui n'aiment pas les syndicats et qui veulent les combattre. Alors, oui, j'y crois pour, à tout le moins, les deux prochaines années. Et puis, encore là, ça va dépendre. Peut-être qu'il faudrait, de notre côté, jouer sur la générosité. Suggérer de plus en plus, parce que les syndicalistes disent « Hey, ça a été signé ». Bon, ce qui s'est passé avant, oublions-le. La situation, elle est telle maintenant, et il n'y a pas de doute que il faut corriger cette situation et que ceux qui sont privilégiés commencent à faire preuve un peu de générosité et rappeler aux syndicats précisément que la solidarité ne s'arrête pas aux seuls syndiqués, mais à l'ensemble de la population. Très bien dit. Merci beaucoup, Réjean. Salut. Passe une belle semaine. Bye-bye. Réjean Breton, d'accord ou pas, live à tradiox.com. On revient. Vous